Éric, Oui. on revient sur Greenpeace quelques minutes parce qu'on peut pas s'empêcher de. Moi, je peux pas m'empêcher là, de laisser ça aller comme ça parce que je trouve que le représentant de Greenpeace au Québec est de mauvaise foi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que actuellement, dans le bras de fer qu'il oppose au maire de Saguenay, et en passant, là, le maire de Saguenay fait réagir, fait bouger, mais il est allé trop loin, beaucoup trop loin, lorsqu'il s'en prend aux intellectuels du monde entier. Ben Tu sais, là, ça on n'a ne pas sait de même bon pas sens. qu'est-ce qu'on, sait pas trop qu'est-ce qu'il voulait Exact. dire, là, Mais ce qui mais. est dommage, c'est qu'on se concentre trop sur cette partie de sa Ben, on se concentre déclaration. trop. Nathalie, attends une minute, là. Il y a des intellectuels malhonnêtes qui écrivent dans Le Devoir aussi, là. Faire attention, là. Parce qu'à matin, on parle de notre entrevue qu'on a faite hier avec le maire de Saguenay, puis il parle des intellectuels. Il a jamais dit ça dans notre entrevue. Non. C'est dans une autre affaire. Exact. C'est publicité qu'il a faite au Saguenay. On mélange tout ça, on fait un amalgame. Puis ça se veut le quotidien de l'élite intellectuelle montréalaise. Comme honnêteté intellectuelle, on repassera, là. Ça aurait été intéressant que le journaliste nous appelle, hein, Ah oui, mais ça, pour écoute, avoir un là. commentaire additionnel. Jean-François Nadeau. Vous savez, Madame Normandeau, vous n'êtes pas assez bien pour lui. Vous Oui, comprenez? il nous a envoyé chez le Ah oui, il nous a diable, déjà envoyé lui. chez le diable plus qu'une fois, C'est puis. ça, exact. Il était pas content, il voulait pas nous parler. Enfin, Ça bref. manque pas à ta culture de pas le connaître, inquiète-toi pas. Là, la façon dont Greenpeace décrit le Québec, c'est comme si on était les plus, comment dire, Les plus sales. les plus sales. On détruit notre forêt. Des Alors, pollueurs, des sales pollueurs. exact. Ce que Greenpeace ne dit pas, et c'est dans ce sens-là que je trouve que Nicolas Mainville et les représentants de Greenpeace sont de mauvaise foi et font de la récupération politique avec tout ce dossier de produits résolus. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que notre régime forestier, notre façon de gérer la forêt, Eric, là, c'est la façon. On a des façons les plus modernes et les plus sévères au monde, Les plus mais les écologiques. plus écologiques, même les Finlandais ont reconnu que nous avons le meilleur régime forestier au monde. Deuxièmement, 80% du territoire québécois est certifié. Mais ces gens-là, Nathalie, sont pas dans une guerre environnementale. Sont dans une Ils sont guerre dans une guerre idéologique. exacte, Ils en ont exacte. rien à foutre de l'environnement. Ils en ont rien à foutre que les contrats que de Best Buy, par exemple, qui venaient au Québec, s'en aillent en Chine ou en Russie où ça pollue 10 fois plus. Ils en ont rien à cirer de l'environnement. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est pas plus facile de te tenir debout puis de faire les gros bras Mais contre une forestière au Saguenay que de tenir debout contre les dictatures en Chine ou en Russie. Parce que je peux te dire que là-bas, ils vont se faire recevoir qu'une brique fanale, puis ils vont se faire sortir à coups de pied dans le cul. c'est Ici, ils font la pipe et le beau temps, puis on les écoute pareil comme s'ils étaient le gouvernement. exact. Puis c'est tout ce qui me fait suer, c'est qu'ils colportent à l'international, en particulier aux États-Unis, des faussetés sur la façon dont nous gérons notre forêt. Quand je te dis fausseté, Eric, au Brésil, on a démoli des forêts entières, on a planté de l'eucalyptus. Sais-tu quoi? Les forêts du Brésil sont certifiées. Va dans les pays Ils sont scandinaves, où, en Greenpeace, Norvège. pour dénoncer Ben, ça? exact, sont où? Va en Norvège, Eric. Non. Ils ont tout rasé puis ils ont planté de l'épinette, là, tu sais, toute cordée, là, une après l'autre, une belle forêt modèle. Où ils sont Greenpeace pour dénoncer en Norvège? Nulle Ils sont à part. nulle part. Ben non. Ils reçoivent 300 millions de financements occultes internationaux, puis ils viennent ici, foutent le bordel, puis ils font la pluie puis le beau temps, puis nous autres, il n'y a personne qui les arrête. Puis ce qui me donne mal au cœur à matin, Nathalie, c'est pas juste Greenpeace, mais c'est de voir qu'il y a un député comme Sylvain Godreau, l'ancien ministre péquiste, député de Jonquière, qui, au lieu d'être solidaire avec son maire de sa région, qui a le guts de se tenir debout contre ces enverdeurs-là, il se met à l'attaquer. Il essaie de faire de la petite partisanerie politique Politique. plutôt que de défendre les travailleurs de sa région qui sont en train de se retrouver sur le chômage puis sur l'aide sociale. Coudonc, il a été élu par qui, lui? C'est-tu Greenpeace qui l'a élu? C'est-tu une gang d'écolos de Montréal ou des États-Unis ou d'Europe qui l'a élu? On Comment ça sait. qu'il représente pas son monde? Exact. C'est tellement important ce que tu dis. On sait que le maire de Saguenay, c'est pas un ami, un grand ami des députés du Parti Oui, mais québécois de là, sa que Jean région. Tremblay et Sylvain Godreau, ils ont des différents politiques dans la région, c'est une Ben chose. voilà. Mais à un moment donné, des fois, tu es obligé de te serrer les coudes, même avec tes adversaires, quand tes Exact, travailleurs sont en train de exact, perdre leur job. exact. T'as tellement raison, Éric. Défendre les emplois, défendre l'économie de ta région, c'est plus important que tout. C'est pas une guerre idéologique, ça. Non. C'est une guerre pour améliorer la qualité de vie des Mais gens que tu représentes à l'Assemblée nationale. c'est très décevant, Nathalie, de voir un élu à l'Assemblée nationale comme Sylvain Godreau, pour qui la petite partisanerie crasse passe avant les intérêts de ses citoyens puis les jobs chez eux. Mais il aura à Ça, répondre de ses prises de position dans sa région. ça démontre Mais comment le lobby vert est puissant. Quand un député n'a même pas à se tenir debout, puis les syndicats, les gars payaient des cotisations syndicales à la CSN. Ils étaient supposés de les représenter. Et où la CSN pour taper sur Greenpeace Exact, aujourd'hui? exact. Mais sais-tu ce qui est triste, Eric? C'est que là, pendant qu'on parle de Greenpeace, elle en poche d'autres dons. Ah oui, parce que ça lui donne la visibilité. C'est une censure sans fin, ça. Lorsque j'entends Nicolas Mainville dire « On est prêt à dialoguer », excuse-le. Bullshit. Sais-tu, lorsque je suis arrivé aux ressources naturelles, ils sont venus s'attacher après les portes du ministère. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ah, ils voulaient là les forêts intactes, les forêts vierges du Québec. J'ai essayé de dialoguer avec eux. Ils m'ont envoyé chez le diable. C'est pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est d'avoir la caméra de télévision pour être aux nouvelles du soir. Pour être à Radio-Canada tous les jours, bon, passer pour des héros. Ça, c'est la vérité. Mais dans tout ce dossier-là, Eric, ce dont on ne parle pas jamais, c'est quoi? Le cœur du problème, le cœur du litige, c'est quoi? Il repose, en fait, selon moi, sur la relation entre le gouvernement du Québec et les Premières Nations. Oh, mais ça, c'est pas la compagnie résolue qui peut régler ça. Exact, t'as tout à fait raison. Donc, si on va plus loin dans ton raisonnement, pourquoi dans ces circonstances, Greenpeace s'attaque à résolue? Mais c'est ça la question. C'est une guerre idéologique et non pas environnementale. Ou ils sont financés par des intérêts concurrents. Ça, c'est l'autre hypothèse. Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est clair, il va falloir tantôt qu'au gouvernement du Québec, et je pense qu'il y a là un très beau chantier, entre guillemets, pour le premier ministre, il faut absolument qu'il rétablisse rapidement le dialogue avec les Premières Nations, parce que les Premières Nations mettent énormément de pression sur le gouvernement du Québec pour récupérer des volumes de bois pour créer de l'emploi dans leur communauté. Mais tu peux pas maner, tu peux pas partager ce que tu n'as pas. Tu comprends? Mais oui. Maner, il y a une limite. Alors, la première ministre de la Colombie-Britannique, ce qu'elle a fait, elle s'est assise avec ses Premières Nations, puis elle a dit, gang, ça va faire, là, vous menacez, vous causez des préjudices à l'économie en bloquant les routes, en bloquant les ponts. On peut tous s'asseoir ensemble puis régler nos problèmes? Je pense que c'est exactement ce que doit faire Philippe Couillard aujourd'hui. Mais... puis en attendant, moi, je vais continuer de dénoncer les méthodes de fier à bras de Greenpeace qui s'en va chez Best Buy, qui s'en va chez Home Depot, qui s'en va chez Canadian Tire, qui menace les propriétaires en disant « si vous achetez pas du papier ». C'est-tu quoi ce qui m'écarte? Je vais te dire ce qui m'enrage. C'est que le papier qui est produit par Produit Résolu, là, il est produit avec les meilleures méthodes de récolte au monde. Les meilleurs standards, les plus élevés. Mais Greenpeace continue de faire croire aux Américains que c'est faux. Ils s'en vont ailleurs, puis là, ils vont avoir des standards plus bas, puis pour l'environnement, c'est pire. Puis les autres, ils savent pas. Ils savent, mais ils veulent pas rien dire. Puis l'autre problème aussi qu'on a, c'est que nous autres, on peut pas partir puis faire de l'intimidation comme Greenpeace fait. On peut pas appeler le monde qui donne à Greenpeace pour dire hey, vous êtes en train de donner à du monde qui sont en train de faire crever du monde au Saguenay ou sur la Côte-Nord pour des raisons idéologiques. C'est des terroristes. Arrêtez de donner à ce monde-là. On peut pas faire comme eux autres font avec les clients de Résolu. Parce qu'eux autres, leur liste de donateurs est secrète. C'est une caisse occulte qu'ils ont, qui les finance. Parce qu'eux autres, ils veulent pas qu'on fasse la même chose qu'eux autres. Ça serait facile, parce que ça serait correct. Si Résolu pouvait engager du monde, puis pouvait informer les donateurs de Greenpeace comment ils sont sauvages, puis comment ils sont des terroristes, peut-être que après une couple de donateurs qui appelleraient, puis qui diraient cette année, je passe mon tour, je donne pas à Greenpeace, exact. Ils changeraient peut-être de ton. Tout à fait. Puis il n'y a pas juste le maire de Saguenay qui a eu le courage de se lever debout pour dénoncer Greenpeace. Le maire de Dolbeau, le maire d'Alma, mais si on les écoutait un petit peu plus, ces maires-là, peut-être qu'on comprendrait les enjeux et l'inquiétude et les préoccupations derrière leur prise de position. Mais là, au-delà des maires, il va falloir qu'il y ait des ministres aussi à Québec qui se réveillent, qui s'enlèvent les deux doigts dans le nez puis qui commencent à parler aussi, là, puis qui tapent le poing sur la table. Je trouve qu'ils sont très polis avec Greenpeace. Un moment donné, gants blancs, ça fera. Là. Ça va prendre des claques à gueule aussi. Éric, là. Je te le répète, là, on peut, toi et moi, passer notre vie à dénoncer Greenpeace. Il y a un enjeu qui est plus fondamental que ça. Mais sais-tu quoi? On va continuer de dénoncer les méthodes de terrorisme de Greenpeace parce que c'est de ça dont il s'agit. Moi, là, sais-tu ce qui m'horripile le plus? C'est qu'ils ne sont pas honnêtes intellectuellement. Je le répète, c'est ça qui m'horripile le plus dans ce débat-là parce que je me dis à quelque part, quand tu es au gouvernement, tu as la responsabilité de dire les choses telles qu'elles sont, ce que ne fait pas tout Greenpeace en récupérant politiquement ce dossier-là. Ceci étant, ma montée d'hormones est faite pour terminer. Ben moi, ce qui m'écarte le plus dans tout ça, Nathalie, c'est pas que la compagnie Résolu, parce que la compagnie Résolu, c'est une multinationale. Eux autres, là, c'est pas à l'usine à Alma, ça va être à une usine à XYZ en Chine ou aux États-Unis. Ce qui m'écarte, c'est que là, il y a 85 familles la semaine passée, puis il y en a eu 300 exact, il y a quelques semaines, exact. Qui eux autres perdent leur famille. Ils sont dans des régions emploi. Où c'est souvent, ils perdent le job. C'est dans des régions où c'est souvent une seule usine exact. À peu près qui maintient l'économie de la ville où il n'y en a pas beaucoup d'autres possibilités. Tu es un travailleur que ça fait 20 ans que tu travailles là, tu es dans la cinquantaine. Qu'est-ce qui arrive? Il leur reste quoi, eux autres? Un an de chômage, puis après ça, c'est l'aide sociale. Exact. C'est épouvantable. C'est des pour ce drames humains. Eux autres, ils n'ont rien fait là-dedans. Là, ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête. Ils ne comprennent même pas ce qui est en train de leur arriver. Et ces gens-là, il n'y a personne aujourd'hui. Là, heureusement, il y a le maire de Saguenay, puis il y a quelques maires dans la région qui sont en train de se réveiller. Mais tu sais, il y a même des députés qui regardent ça, qui se bouchent les yeux, comme Sylvain Godreau, qui n'ont même pas le guts de défendre ces gens-là qui sont en train de se faire voler leur job, qui sont en train d'envoyer ça aux États-Unis ou en Chine. Ils disent pas un mot, ils essaient de faire de la petite politique avec ça. Puis tu as du monde comme des syndicats que parce qu'ils font partie des maudites coalitions de la grande gauche qui n'osent pas trop critiquer les enverdeurs. Ça m'écœure. Là. Ces gens-là n'ont personne pour parler pour eux autres. Mais Eric, c'est un débat qui dépasse Greenpeace parce que là, quand Greenpeace fait ce genre de stratégie à l'international aux États-Unis puis fait perdre des jobs ici, dans le fond, c'est toute la réputation des politiques du gouvernement du Québec. On passe pour des sales. Absolument. Alors, donc, dans ces circonstances-là, le gouvernement a la responsabilité de rétablir les faits. Voilà, c'est dit, mon cher. Non, bien là, il est temps que le gouvernement du Québec se réveille et allume. Puis même le gouvernement fédéral, parce qu'imaginez-vous donc qu'il y a en plus un dossier fédéral avec ça, avec le Caribou. Il y a le gouvernement fédéral aussi a un rôle à jouer. Donc, il va falloir que, à un moment donné, les députés et les ministres là, arrêtent d'être un petit peu trop politiquement corrects. Oui, puis parlons-en, là. Le Caribou, il y en a encore dans le nord du Québec. Mais oui, c'est pas vrai qu'ils sont tous morts, là. Nos forêts sont protégées. Puis on a des Amérindiens qui vivent dans le nord puis qui vivent sur tout le territoire québécois. Puis, tu sais, c'est pas. Il n'y a pas de leçon à recevoir des pays où les usines s'en vont, là. Il y a eux autres qui ont exterminé des espèces pas mal plus qu'ici. Là. Fait que, regarde, on va continuer de suivre ce dossier-là. Puis je vais te dire, Eric, chaque fois que j'aurai l'occasion de dénoncer ce genre de stratégie malhonnête, crois-moi, on va le faire, toi et moi, puis on va être sur leur sentier. Nathalie, on va aller prendre une grande respiration, puis oui, on va vous revenir pour lire vos courriels et les réactions du public.